C'est la chronique du hockey midget avec du Marcos Pop de Saint-Félicien avec Jason Dejeunesse. Salut Jason! Salut Danny! Jason, ça a été en fin de semaine, le Marcos Pop affrontait une formation quand même des Aiglons d'Allemagne et c'est soldé par une victoire de 3 à 2. Oui, bon match dans l'ensemble. On menait 3-0 dans ce match-là, en milieu de deuxième période, jusqu'à temps qu'on se tire un peu dans le pied nous-mêmes là, avec de mauvaises punitions. On leur a donné des chances là, de revenir dans le match, comme on dit. Là. Ouais. Donc c'est ça. On a pris deux mauvaises punitions coup sur coup. Qui leur a donné un 5 contre 3. Là. Ils en ont profité pour marquer un but. Puis en début de troisième période, là, on a créé un revirement là, en zone neutre. Puis il y en a un qui s'est échappé de l'autre côté. Donc, tu sais, c'est des petites erreurs qui sont faciles là, à corriger, comme on dit. Là. OK. Mais encore un très bon match, je vous en OK. Donc, dans ce match-là, notons Vincent Gagnon, un but, une passe. Alexis Bradette, un but. Et l'autre filet appartient à Antoine Niquette. Et dans l'autre match, vos rivaux, les ambassadeurs de Prémont, belle victoire de ce coup-là de 4 à 1. Oui, encore une fois, là, un très très bon match de hockey, un match presque parfait ouais. Là, à l'accord. On a rien donné. Là. Défensivement, on a été très très bon. Pas de chance de marquer de proche, là, vraiment juste des tirs de l'extérieur. Okay. Vraiment juste en deuxième période là, que c'était rendu 3-0 pour nous. Un petit relâchement là, qui a permis aux ambassadeurs de relâchement d'intensité là, qui a permis aux ambassadeurs de s'inscrire au pointage, mais par la suite, là, on n'a rien donné, là, vraiment. Là, c'était un de nos meilleurs matchs là, de la saison, là, dimanche, contre les ambassadeurs. OK. Dans ce match-là, Antoine Niquette, deux buts, une passe. Aussi, Mathieu Henault, un but. Et donc et également donc Jean-Daniel Beaupré qui a également marqué. En fin de semaine, ça dit quoi pour le Marcos Sport? On rencontre le vendredi soir les Castors de Dolbeau à 15 et dimanche on va visiter les Aiglons d'Alma là au Centre Mario Tremblay. OK. Les Castors, c'est toujours des beaux matchs, des belles rivalités entre les deux équipes, ça promet? Ouais, c'est intense, hein. Ça fait ouais. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité là, dans ces matchs-là. Okay. Donc c'est sûr que ça promet encore là, entre les deux équipes. Il y a toujours une petite rivalité entre les deux depuis que je fais des chroniques avec les Castors et le Marcos Pop. C'est toujours une petite rivalité bien le fun entre les deux. Donc ça promet vendredi soir au Centre sportif Marianne Chagelet. Jésus de la Jeunesse, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine? Oui. Voilà, donc c'était la chronique du Marcos Pop de Saint-Félicien avec Jason de la Jeunesse.